La chimère de Théophile Gautier. Une jeune chimère aux lèvres de ma cou. Dans l'orgie a donné le baiser le plus doux. Elle avait les yeux verts. Et jusque sur sa croupe, ondoyait en torrent l'or de ses cheveux roux. Des ailes d'épervier tremblaient à son épaule. La voyant s'envoler, je sautais sur ses reins et faisant jusqu'à moi. Voyez son coup de saule, j'enfonçais comme un peigne une main dans ses crins. Elle se démenait hurlante et furieuse, mais en vain je broyais ses flancs dans mes genoux. Alors elle me dit d'une voix gracieuse, plus claire que l'argent, Maître, où donc allons-nous? Par-delà le soleil et par-delà l'espace, où Dieu n'arrivera qu'après l'éternité. Mais avant d'être au but, ton aile sera lasse, car je veux voir mon rêve en sa réalité.